Auditeurs, auditrices de Radio Chevaucheur, Lisiane vous dit bonjour, presque 9h sur nos antennes. Quoi de neuf, votre émission jusqu'à 9h30 et puis ensuite l'apéritif musette. Radio Chevauchoir. Il est 9h. On est le dimanche 16 mars, nous finissons les bénédictes. Aujourd'hui, les bénédictes, bonne fête à vous et le soleil se lève à 6h54 et va coucher à 18h49. Bienvenue dans cette émission Quoi de neuf jusqu'à 9h30 et puis à 10h, vous aurez, à 9h30, vous aurez votre apéritif musette. On commence avec les anniversaires People, Jerry Lewis aujourd'hui. Demain, José Garcia, mardi, Laetitia Hallyday, mercredi, Rachel Blanchard, jeudi, Hallyday Hunton, vendredi, Valérie Pascal, samedi, Le Chat, et dimanche prochain, Delphine Pato. Souvenez-vous de Jerry Lewis et la machine à écrire. Voilà, c'était Jerry Lewis qui aurait eu son anniversaire aujourd'hui. Et nous avons les chiffres du loto, le 7, le 11, le 13, le 14, le 21, le 29 et le 45 pour le Joker Plus, 704, 598, le signe Taureau. Voilà, titre d'information pour les personnes qui jouent bien sûr au loto. Ne perdez jamais l'espoir lorsque le soleil se couche et les étoiles apparaissent. Soyez heureux avec rien et vous serez heureux avec tout. Dimanche 16 mars, aujourd'hui, on reçoit le chanteur Baldo. Nous sommes complets. Alors, pour les personnes qui n'ont pas réservé, ben, ça ne sert à rien de venir. Nous sommes complets. Nous ne savons pas mettre de chaises et de tables en plus. Alors, merci déjà à toutes les personnes qui se sont inscrites à l'avance. Souvent, mes façons. Notre guinguette sera ouverte à 14h. N'oubliez pas de bien vous installer dans notre parking et nulle part d'autre. Alors, on vous donne rendez-vous déjà le 29 mars à Radio Chevaucheur à la Guinguette pour un jeu bingo pour 15h. N'oubliez pas de vous inscrire pour ce jeu bingo. Ça se passe à la Guinguette à 15h. Soyez un peu plus tôt pour commencer dès 15h. Le dimanche 30 mars, nous aurons un repas à midi à 14h. Nous aurons Cathy Minet, Patrick Duquenois. Vous aurez bien sûr dans ce repas un verre de vin compris, le dessert et le café. Et votre participation naturellement. Le 12 avril, nous serons en voyage à Kukenhof. Il y aura également le Grand Corso Fleury. À cette occasion, si vous voulez le voir, c'est l'instant, c'est le présent. Également, vous pourrez découvrir tout le parc au prix de 73 € par personne. L'entrée est bien sûr comprise. Ça, c'est un quart de tourisme qui nous y emmène. Le 13 avril, à la Guinguette de Radio Chevaucheur, nous aurons Jean-Pierre Darras. C'est un chanteur qui nous chante un petit peu du blues Youmsman. Et nous aurons Claudio Piccarella. Lui, il chante du français comme de l'italien. Et puis, nous aurons ce chanteur que je vais vous faire écouter. C'est bien sûr Frankie Steven. Radio Chevaucheur, Lisiane et toute l'équipe des bénévoles vous souhaitent une bonne écoute. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Radio Chevauchoir, 7 rue Le Chevauchoir, 5170 Lèves-Profondeville. Steven, on le mettra tout à l'heure car j'ai un petit souci avec mon CD. Eh bien, nous allons l'écouter tout de avec un autre chanteur qui sera parmi nous. Eh bien, ce sera Johnny Van Damme. Johnny Van Damme, eh bien, il sera le 1er mai à Radio Chevauchoir avec le chanteur Aria, qui Sébastien, puis nous aurons également Francis Durange, et nous aurons Clo-Clo également avec ses Claudettes, et tout cela, ce sera le 1er mai, et voici la publicité de ce 1er mai sur les antennes de Radio Chevauchoir. Entre autres, il y aura également des stands de toutes sortes. Ce 1er mai, venez nous rejoindre sous notre guinguette. Pour un podium de variété, avec Seb du groupe Aria, Francis Durange, Johnny Van Damme, François Claude, également nous mettrons les femmes à l'honneur avec différents stands comme bijoux, vêtements, parfums, déco et bien d'autres choses. Entrée gratuite. Renseignements 0477 59 48 43. 0477 59 48. Voilà, vous avez écouté Johnny Van Damme, l'étoile semaine, qui sera là le 1er mai à Radio Chevauchoir avec d'autres invités. N'oubliez pas de l'inscrire dans votre agenda, mais il n'y a pas que ça. On vous attend également, si vous voulez voyager, ce sera le 26 avril, ce sera pour Mini Europe, et qui se trouve à Bruxelles, hein, au prix de 55 € avec l'entrée comprise. Et également, vous pourrez, si vous le souhaitez, aller voir l'Atomium, on est tout prêt. Dimanche dernier, on était bien sûr chez Francis Durant. Alors, merci à toutes les personnes qui sont venues avec nous. Et puis, dans quelques instants, je vous parle d'un autre voyage dans un autre établissement que nous aurons la possibilité de faire prochainement. On écoute Roberto Marque. Vous pouvez acquérir ce CD en les commandant à Radio Chevauchard. Eh bien, demain, c'est la fête de l'Irlande. C'est la Saint-Patrick. Enfin, Saint-Patrick est associé au trèfle. Et en parlant de Patrick, eh bien, bonne fête à tous les Patrick qui écoutent Radio Chevauchoir et un bon anniversaire à Patrick de Saint-Gérard qu'il fêtait hier. J'espère que ça a bien été avec Madame hein, Patrick et un bon verre. Hein. Revenons dans les activités de Radio Chevaucheur. Eh bien, je vous parlais tout à l'heure que nous avons fait la sortie chez Francis Durand. Et cette fois-ci, on va chez Mathieu. Et chez Mathieu, vous aurez le voyage. Et nous irons au thé dansant de Seth Presta, que vous aurez l'occasion de voir, de chanter avec lui, de danser et pourquoi pas de dîner. Car nous aurons l'apéro, ce sera un kir royal. Et puis nous aurons l'assiette de jambon. Bon du pays avec un verre de vin. Le plat, c'est un morceau de bœuf avec la sauce cornichon et un verre de vin et ses accompagnants. Ensuite, vous aurez l'assiette de fromage, toujours accompagnée du vin. Et puis, vous aurez le dessert glacé avec une tasse de café. L'entrée comprise, le voyage, tout cela au prix de 75 euros par personne. La table sera réservée qu'à Radio Chevauchoir. Et pour les personnes qui voyagent avec nous, eh bien, nous vous signalerons l'heure de départ, bien sûr, par téléphone. Vous pouvez déjà réserver maintenant et vous paierez qu'au mois d'avril. Voilà, le jeudi 15 mai, si vous voulez être de la partie avec notre voyage, eh bien, vous pouvez déjà vous inscrire maintenant et payer qu'au mois d'avril. Et en parlant des rendez-vous, eh bien, ce mardi, Jean-François recevra à 10h le chanteur Dean Quinto Rocco avec son best-of. Ce jeudi après-midi, eh bien, vous aurez vos animateurs Jean-Paul et Jean-François et à 18h, Étienne avec son émission habituelle. Et si vous voulez réserver votre repas pour dimanche, ce sera des boulettes frites avec un verre de vin, café et dessert. Ce sera Cathy Minet le 30 mars, qu'on se le dise. Et pour les personnes qui veulent aller à Keukenhof, le Corso Fleuri, le voyage, l'entrée, 73 euros. Et n'oubliez pas qu'il faut payer avant le 30 mars. Voilà, pour toutes les informations, vous pouvez retrouver, bien sûr, tous ces programmes Radio Chevauchoir ou alors sur le site internet www.radiochevauchoir.be. Radio Chevauchoir, Lisiane et toute l'équipe des bénévoles vous souhaitent une bonne écoute. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Radio Chevauchoir, 7 rue Le Chevauchoir, 5170 Lèves Profondeville. Voici votre apéritif musette comme tous les dimanches matin. Merci d'être à l'écoute de la 105.5 www.radiochevauchoir.be. Nous sommes le dimanche 16 mars. Nous fêtons aujourd'hui les bénédiques. Bonne fête à vous. Les parrains marraines Loulou d'Ivoire, Didier et François, Josette et Émile, Alain et Denis, Nicole d'Andois, Papy Georges, Lise de Mettet, Nicole de Salzine, Simone de Denis, Robert et Yves, Gisèle de Gève, Karine et David, François et Monique de Dorine, Mimi de Cruppet, Eliane de Profondville, Josette Francine, Monique et Daniel, Monique de Buzet, Marie-Josée du Gounois, Michel et Marie-Louise de Mayen. Merci parrain et marraine et bon dimanche à l'écoute de Radio Chevauchoir. Notre numéro d'appel 091 13 86 81. Téléphonez-nous. Bonne journée à notre cavalier André, notre cavalière Micheline.